Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès C'est Fou édition Franco. Bonjour et bienvenue à l'édition francophone des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 17 au 23 mars 2010. Je m'appelle Mathieu Plante, de retour dans les Palmarès. Je n'étais pas là pour la version anglophone et je remercie encore une fois Kiwan de m'avoir remplacé si gentiment. Vous savez que le numéro 1 la semaine passée, mais en fait, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, là, je vous dirai pas ce que vous savez, c'était Givresse avec Valès Pariéter. Ça, c'était le numéro 1 la semaine passée. On va voir si c'est encore ça d'ici la fin de l'émission. On a deux nouvelles entrées cette semaine. Tout à l'heure, il va y avoir Les Amis au Pakistan avec Nobody, mais on débute avec Patrick et les Brutes. Voici J'ai peur de la mort au 89.1 FM. C'est fou! Un payo, un payo, pa un payo. amis au Pakistan et la pièce Nobody, nouvelle entrée en position numéro 19 sur leur album Cosmetic Cosmic. C'est en fait, je crois, la troisième pièce de l'album à pénétrer le palmarès. Je sais qu'il y a eu Brass Ingra, je sais qu'il y a eu Le Fer de ma journée, il y a eu Ma robe à papier de toilette. Est-ce que La Matin était là? Je crois que La Matin aussi. En tout cas, ça en fait beaucoup, hein, des pièces des amis au Pakistan et on adore ça. Avant, en 20e place, c'était Patrick et les Brutes avec J'ai peur de la mort de son album Toutes les filles sont folles de moi. Voilà pour les nouvelles entrées. On entre maintenant dans la portion du palmarès où il y a que des changements. Alors, on va entendre une pièce qui descend de la 3e place tout à l'heure, Perdre son temps de Chinatown. On débute avec la 18e. Elle descend d'une seule. Voici Monogrenade et Ce soir. Tout de suite au 89.1 FM, c'est l'édition francophone des Palmarès. C'est fou. Sans instant, je n'ai plus de temps. son temps. Perdre ses nuits, perdre son argent. Se disperser en 300 instants. Je n'ai plus le temps, je n'ai plus l'argent. Chinatown et perdre son temps, position numéro 17 du palmarès francophone. Ça descend d'une place. C'était précédé de Monogrenade avec Ce soir. Et ça descend ça aussi d'une place. Celle-là est là depuis 7 semaines. Alors que Chinatown est là depuis 3 semaines. 7, ça commence à être beaucoup, là. Quand tu dépasses 7, c'est comme quasiment. C'est le fun. Hein? Hein? Je vais chercher mon mot pour pas le trouver, finalement. C'est juste c'est le fun. On aime ça pour eux autres. C'est bien le fun. Dans le prochain bloc, on va entendre le nombre, mais on débute avec Turbo Distorsion. Ça descend de deux places. La pièce s'appelle Gérant d'Estrade et c'est dans les palmarès Cifou édition francophone. Je vous rappelle que vous pouvez aller retrouver le palmarès sur le cifou.ca. Vous pouvez télécharger les balados diffusion d'émission sur assemblagerequis.com. www.assemblagerequis.com. Je veux vivre avec toi. Moi, je veux vivre dans le monde. Le nombre est sur ton île, monte de 3 places en 15e position francophone. C'était précédé de Turbo Distorsion et Gérant d'Estrade. Ça descend de 2 en 16e position sur la compilation de la 14e édition des Francouvertes. Oui. Vous êtes dans l'édition francophone des palmarès assez fou. Je vous rappelle que la semaine passée, le numéro 1 était Valès Pariétaire avec Givresse. On va savoir d'ici la fin si c'est toujours au sommet. J'en ai aucune espèce d'idée. Demandez-moi le vent. C'est bon. Tantôt, on va entendre Polype, mais avant ça, en position numéro 14, ça descend de la 3e place. Voici Je suis le héros d'Orange Orange. Je sais pas, moi, un héros qui descend comme ça, je vois pas bien un héros, là, par exemple. C'est triste, là. Et tu te demandes être le héros ou suivre le héros. Être le héros ou suivre le héros. Eh bien moi, oh oui, je le suis. Je suis le we'll Merci d'avoir retour. Il y a Paul et Fred Fortin et la Patte Rose dans l'édition francophone des Palmarès C'est fou au 89 FM. Numéro 13. L'épée presse citron en position numéro 13 du palmarès francophone. C'était précédé d'Orange Orange avec Je suis le héros qui descend de la 3, de la 8e place. Pardon. 3e place. 3e place. J'avais raison le premier coup. Ne te remets jamais en question, cher. Donc, c'est ça. Polype descend de la 8e et Orange Orange de la 3e. C'est clair, ça? C'est les positions 13 et 14. Bon. L'édition francophone des palmarès C'est fou qui se poursuit. On est presque rendu à la moitié de notre palmarès. On va aller entendre les positions 11 et 12. Tout à l'heure, en 11e, il va y avoir la Patte Rose. Mais on débute avec la 12e. Ça monte de 7 places. Voici Fred Fortin et le cinéma des vieux garçons au palmarès C'est fou au 89 FM. J'ai quitté la maison quand elle m'a dit de partir sans lui demander la raison. C'est pas comme si je la voyais pas venir. Elle virait tout et bon dans le salon. Elle portait sa robe des grandes occasions. Et je n'ai pas versé une larme tandis qu'au fond de moi j'avalais le mouton. J'ai compris quand à mon anniversaire j'ai reçu les clés du Pontiac que ça laissait aussi entendre à star tes clics et puis tes claques. J'ai regardé le bonhomme dans sa chaise. Ses yeux cherchaient de l'air dans ses lunettes épaisses. Et même sa perruque ne pouvait contenir le malaise qui régnait sous son toit. À la projection, et j'ai le sentiment que maman est très fière de moi. Là-bas dans sa maison. Numéro 11. Tu montres, je montre. décapote de la patate rose. Ah oui, c'était la position numéro 4 la semaine passée. Maintenant, c'est en 11e. Avant ça, c'était Fred Fortin avec le cinéma des vieux garçons. Ça monte de 7 places. C'est en 12e position francophone, toujours. Oui, parce que c'est l'édition francophone des Palmarès C'est Fou. Donc, seulement les 20 pièces francophones les plus aimées des animateurs de C'est Fou 89.1 FM. Là, il faut compter le nombre de fois que j'ai dit le même mot, de différents mots dans cette phrase-là, puis on gagne une fois d'épisode. Hein? Bon. Prochain bloc, c'est le Husky en 9e avec Dis-moi, mais on débute avec le Sabot Trio. Voici Jenny Girl qui monte de 5 places. C'est en 10e position au 89.1 FM. C'est fou, ça, it's crazy that. Alors, Jenny Girl, as-tu trouvé ton Johnny Boy ce soir? Dis-moi avant que je devienne comme toi. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? C'est-tu possible de venir en arrière? Quand c'était beau, quand Caroline enlevait son maillot, oh, oh, oh, oh. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? C'est-tu possible de venir en chose qu'on peut faire? C'est-tu possible de venir en arrière quand c'était beau? Y a-tu quelque chose qu'on peut faire? C'est-tu possible de venir en arrière quand c'était beau? La pièce Dis-moi par le Husky, c'est la position numéro 9 du palmarès francophone. Ça descend de deux places et c'est sur la la compilation, oui, Les Frères du Son, volume 1, qu'on peut télécharger gratuitement sur Internet en tapant Les Frères du Son. Vous êtes dans l'édition francophone des palmarès, c'est fou. Il nous reste présentement le top 8 à faire. Donc, on va entendre Damien Robitaille dans quelques minutes avec sa pièce Mot de passe. Mais avant ça, c'est trois accords qu'on va l'écouter. Ça descend de deux places. Voici Croquer les coups. Oh, 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Que tu t'habilles en pompette, Sébastien. Que tu te caches la nuit chez les voisins. le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah. L'homme et la femme sont faits pour se faire les yeux doux. Et comme je suis un homme et toi une femme, ce soir je tente le coup. Je cogne à la porte de ton champ de vision, mais personne n'est là, personne ne répond. Tes yeux restent fermés et tu me dis accès refusé. Je ne voudrais pas te surprendre, mais j'ai un porte-clé sur la lampe. Mille mots, lesquels veux-tu entendre? Donne-moi donc un indice. Je veux goûter aux délices. Oh, oh, oh, quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Damien Robitaille et la pièce mot de passe descendent deux places. C'est en position numéro 7. C'était précédé des trois accords avec Croquer les coups. Ça aussi, ça descend de deux places. Ah, dommage, ça, pour les trois accords. L'album s'appelle Dans mon corps. C'est dommage pour tout le monde. Quand quelqu'un descend, c'est plate. On veut juste pas descendre dans les palmarès, mais bon. On peut pas juste monter dans la vie, hein. Tout ce qui monte doit redescendre. C'est la loi de d'Einstein, quelque chose. Je sais pas. C'est dans l'édition francophone des palmarès, c'est fou. On continue jusqu'au numéro 1, qui la semaine passée était Vanès Parietta avec Givresse. Et ça tombe drôle parce que c'est ça qu'on s'en va entendre en 6e position, mais que c'est triste. Ce sera suivi de Mimi Van Der Glo avec Hitler en chocolat, qui, elle, monte de la 13e place au 89.1 FM. C'est fou. Oh, que c'est donc fou, toi. Oh, ça n'a pas de sens. Ça arrête plus les fous. Never stop being crazy. Je suis plus faible, il y a un train qui passe dans. Retour Mimi Van Der Glo, Bravo Funken, et qui est le grand numéro 1 du palmarès C'est fou édition Franco. Numéro 5. Vanderloo et Hitler en chocolat, c'est en cinquième position du palmarès francophone. Ça monte de la 13e place, ça vient de leur album Radar. Et on a débuté avec Vels Pariétaire et Givresse, c'est l'ancien numéro 1 qui est maintenant en 6e place. C'est sur la compilation Les Frères du Son, volume 1. Pareil comme le Ski avec Dis-moi et plein, plein d'autres groupes et pièces des plus fantastiques. C'est la compilation Les Frères du Son, volume 1, disponible sur le site des Frères du Son, sur le Internet. L'édition francophone des palmarès C'est fou continue, hein, comme je le disais. On a un nouveau numéro 1, donc on sait pas encore c'est qui, mais il nous reste encore plein de formations vraiment très, très bonnes à entendre. On va avoir du Tricot Machine tantôt. Il va y avoir du Bernard Adamus. Il va y avoir du Radio. Ben ouais. Mais on commence avec Bravo Funken qui monte directement de la 11e place en 4e position. Voici Les Animaux sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et je vous rappelle encore une fois l'adresse du site internet de C'est fou, hein? Sur l'Internet, c'est la même place que l'autre site de l'autre centre. Il y a plusieurs Internet, là, mais ils rassemblent tout ensemble, puis ils mènent tous vers le cif.ca. Ouais. Cette madame bleue qui court partout me fait sourire à mourir. Je respire. Une boule de feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur, on joue ensemble aux animaux. Et moi qui danse sous le vent, et toi qui chante tes poumons, on joue ensemble aux animaux. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

Ça va être numéro 1 très bientôt, j'en suis sûr. Tricot Machine avec Défilé Rythme qui monte directement de la 20e place. Ça fait un bond de 18 positions. C'est la pièce titre de leur plus récent album, donc Défilé Rythme. Et c'est excellent. Et ça joue beaucoup. Tout le monde aime ça, on dirait. Ah, c'est fou, en tout cas. Je sais qu'ailleurs, les opinions sont très partagées. Mais bon, assez fou, il me semble que ça joue beaucoup. Voilà, on est rendu à la position numéro 1 du palmarès francophone. C'est le moment de faire des jeux de mots poche. C'est comme ça que ça se passe. C'est la tradition. C'est un peu, tu sais, je sais pas. C'est comme la tradition de, mettons, enlever ses souliers à certains endroits. T'es chou, hein? Comme toi, tu vas dans la piscine, faut que t'enlèves tes choux sur le deck. Wesh. Et en première position. Des fois, je me dégoûte avec ça. Je me dégoûte. Je me dégoûte. Avec l'accent en chiac. Dès que je... Moi, j'abandonne. Superstar, marcher sur la main ou marcher sur la auto mode. Inné, miné, mané, mo, c'est qu'est-ce qui veut du jello? Si ton sport c'est du vélo, ben come on baby, hello. Saute, danse, autour la question, marcher sur la hay. Ok, j'explique, c'est jet set dans ma minivan. No, that cut, j'ai ma case in case, que ma case work pro. Hit case in case, que ma still work pro. Penny loaf à deck, you got that soul. Got that soul, got that gemma. Nah man, moi j'work ma tan. Shopping channel, vend des scam. Copy, call it, j'suis comme damn. Basically, so basic, so avec mes penny loaf, oh, avec mes deck shoes. Et j'vois marcher sur la. Marcher sur la hey, j'ai dit plus broke, ne y'a pas marcher sur la. Pas un cent à mon nom, plus de Louis Vuitton. Un tal de deck, shoes, pas de boîte, bateau, un premier down. C'est même que ça se passe, quoi d'où tu veux, j'te dis. Paye-moi 15 minutes, puis watch mon pack de mes valises. J'dirais pas que j'suis pauvre, j'dirais plutôt que j'suis broke. Un gars, ça me coûte rien, abonné sur la côte. Moi j'aime les couchers de soleil, puis watcher les bateaux. Avec de l'easy listening jazz qui joue sur mon radio. Avec mes penny loafers ou avec mes deck shoes, et j'vais marcher sur la. C'est la new edition, television, match le piano. Tout ça, d'un monde qui sait, tout le monde croit qu'il faut. Tout ça, d'un monde qui croit, les histoires des matelots. Moi je les ai trouvés sur le bout du chat en marchant sur la wall. Sans plus broke, mieux y habiller, marcher sur la hey. J'ai dit plus broke, mieux y habiller, marcher sur la wall. Plus broke, mieux y habiller, marcher sur la hey. J'ai dit plus broke. C'est cela. C'était la position numéro 1 du palmarès francophone de C'est fou, mais avant de dire c'était quoi le numéro 1, on va faire un petit résumé du top 5. En 5e, c'est Mimi Van Der Loo avec Hitler en chocolat. En 4e, Bravo Funken et Les Animaux. En 3e, Cauchemar de course de Bernard Alamus. En 2e, ça monte de 18 places, Défilé Rythme de Tricot Machine. Et on vient d'entendre la position numéro 1, ça monte d'une place. C'est Radio Radio avec Deck Shoe de leur album Belmundo Regal. C'est le premier extrait de cet album-là. Voilà qui termine pas mal l'édition francophone des Palmarès C'est fou, mais on a assez de temps pour écouter une dernière pièce avant de, se quitter. De s'écouter, hein? On s'écoute parler comme ça, moi-même je m'écoute parler, puis je fais pas trop attention à ce que je dis, hein, apparemment. Donc, on va entendre un autre extrait d'une nouvelle entrée. En fait, Patrick et les Brutes, c'est pas nouveau, là. C'est pas son premier extrait. On a déjà eu chez Candy et puis qu'est-ce qu'on a eu aussi? Ben, chez Candy. Pas mal ça. On va entendre une autre pièce, autre que J'ai peur de la mort, qui est présentement sur le palmarès en position numéro 20, qui a fait son entrée dans la portion francophone tout à l'heure. Tout de suite, voici la pièce La femme de ta vie, puis on revient après pour se dire au revoir. Restez avec nous, c'est les Palmarès, c'est fou! Édition Franco! Si jolie, tu aurais fait si bien, sans trop bête à gérer, tu sentais la chimie, tu la voyais souvent, dans tous les 5 à 7, c'était pas une vedette, elle avait des enfants. Que tu l'aperçois, tu ne sais plus quoi faire, ton rythme s'accélère, tu dis n'importe quoi. La femme de ta vie, une pièce bonus de Patrick et les Brutes de l'album Toutes les filles sont folles de moi. Je vous rappelle que la pièce J'ai peur de la mort a fait son entrée en position numéro 20 du palmarès francophone un petit peu plus tôt dans l'émission. Voilà donc pour cette édition des palmarès francophones, des palmarès c'est fou, édition francophone, des palmarès francophones, édition c'est fou, c'est comme vous le voulez bien. Les gens du vendredi soir qui nous écoutent entre 17h et 20h, on rappelle, eh ben eux ils vont se joindre à 20h au Lutin d'enfer qui vont commencer leur émission. Alors que nous le jeudi, parce qu'on est en direct les mercredis et jeudis entre 13h et 15h, on va se continuer ça avec surtout des classiques gold hits, peut-être quelques pièces du palmarès Earshot, des radios universitaires et communautaires canadiennes. Sinon, du top 30 des albums, top 10 loud, top 10 électronique, on va faire le tour de tout ça dans l'édition, dans la portion extra sauce brune des palmarès c'est fou. Alors, restez avec nous. Et ben sinon, on se retrouve lundi à 15h pour assemblage requis pour les gens qui nous quittent. Alors, bye bye et à tantôt ou pas. Et où c'est selon. Ah ouais. C'est fou, 89.1. Le bon musique en tout temps! Bon retour, vous êtes toujours dans les palmarès C'est fou avec Mathieu Plante. Et maintenant, c'est la portion extra sauce brune où on parcourt un peu les palmarès qui ne sont pas les top 20 francophones et anglophones. C'est tout le reste. Que ce soit le top 30 des CD, top 30 des Canadiens, top 10 loud, top 6 chroniques, top des radios universitaires et communautaires du Canada. Tout ça est brassé devant vos yeux. C'est comme un sachet de poudre qu'on met dans de l'eau. Je sais pas dans quoi ils mettent ça, le sachet de poudre pour faire de la sauce, là, mais bon. Je suis pas vraiment un cuisinier, moi. Pas du tout. Mais avant de se lancer dans ces autres palmarès-là, tantôt, on écoutait une pièce de Patrick et les Brutes, c'est-à-dire dans le bloc Sur la clôture. C'est comme ça qu'on l'appelle quand on passe de la musique d'artistes qui sont dans nos palmarès, dans nos top 20, mais des pièces qu'on ne connaît pas d'eux ou qu'on n'a pas entendues très, très souvent. Donc, on a aussi en nouvelle entrée, en position numéro 19 francophone, on l'a entendu plus tôt dans l'émission, Les Amis au Pakistan avec Nobody. On va entendre une autre pièce de leur album Cosmétique Cosmique. Voici That's le Geisha. Tout de suite. Au palmarès C'est fou au 89 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Mizwagi, perdu Mizwagi, kimono flowers, geisha toute nue. Hong Kong, ruelle d'arc débauchée, chat black abandonné, sans smile sur face. Saloc, saloc, le black cap push, saloc, saloc, il get dehors de closette, closette, il swing and some mail salt, mail salt, mail salt. That's le geisha, that's le geisha, that's le geisha. La petite éthique, là. Ice, black cat peut fil noir, vouloir kill tous les dogs, they're pas tous serious, killers, killers, killers. That's le geisha, that's le geisha. That's the geisha. La route, ok, de bien, ok, Les abdis gradationnistes. Et that's le geisha dans les palmarès. C'est fou au 89 FM. Oh, ouais, c'est dans la lignée des pièces étranges des Amis au Pakistan. C'est pas comme ça nous surprenait, rendu à ce point-ci dans la carrière des Amis au Pakistan. C'est très, très bon. Ça vient de leur album Cosmétique Cosmique. Et je le rappelle encore une fois que les Amis au Pakistan ont pénétré encore une fois le palmarès avec Nobody en position numéro 19. C'est une nouvelle entrée cette semaine. Voilà donc pour ce bloc sur la clôture où on découvre d'autres pièces d'artistes qui sont dans nos palmarès présentement. On passe à un bloc de Classic Gold Hits. On vient d'entendre un peu de Royal Arch avec Buisson Ardent, mais avant ça, voici Le Ski est dans le bois. Que j'aime donc entendre cette pièce-là. Et c'était à l'émission Les Palmarès c'est fou. À l'émission, je sais pas ce que j'allais dire. À l'émission Les Palmarès c'est fou. Ouais, ça a du sens. C'est une émission. Ouais. J'aurais pas voulu faire ça. hier chez Buisson Ardent. C'était sur le palmarès à l'été 2009. C'était précédé par le Husky qui était sur le palmarès au début de 2006 avec Dans le bois. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Et on continue notre bloc de classic gold hits, hein, des bons vieux succès des palmarès. On va entendre les fils de Teupu tantôt avec une pièce qui était... En fait, l'album et le groupe étaient dans le palmarès à l'automne 2005, mais la pièce La Kermesse qui est dans le palmarès, je m'en rappelle pas du tout. Je sais même pas de quoi qu'elle a l'air, cette chanson-là. Je me rappelle par contre de la pièce Bricoleur, et celle-là, je l'avais vraiment aimée, donc on va l'entendre tout à l'heure. Mais on débute avec quelque chose qui était une nouvelle entrée en janvier 2005. Voici Plywood 3 quarts et Travailler dans le beurre. Ça se passe au palmarès, c'est fou. Et c'est au 89 FM. Et c'est par le fait même, là, comme tout par hasard, là, la Radio Campus de Trois-Rivières. Hein? À peu près par hasard. C'est un hasard. Ouais. Ma femme, elle la trouve le temps long à rester tout seul dans la maison. J'suis bien mieux avec mes outils que dans la cuisine à faire le gentil mari. Je fais du ménage, moi je tombe faire dans le bar à boisson, puis je danse seul dans mon salon. Pour pomper l'œil de mon mari, je mets de l'eau dans toutes les bouteilles de whisky. Show a mother. Les Fils de Tupu qui étaient sur le palmarès à l'automne de 2005 avec la pièce La Kermesse. Par contre, là, ce qu'on a entendu, c'était la pièce Bricoleur, parce que je la trouve personnellement plus mémorable que La Kermesse, mais bon. Bon, ça, c'était Plywood 3 quarts avec une nouvelle entrée du palmarès en janvier 2005, travaillé dans le beurre. Voilà, c'était le bloc qui vient tout juste de jouer ici dans les palmarès. C'est fou, 89.1 FM. Il nous reste une dizaine de minutes. On va plonger dans le palmarès Earshot dans quelques minutes, mais avant ça, on va faire un petit peu le tour de nos palmarès à nous qu'on n'entendra pas tellement. Parce que, bon, hier, on a fait jouer quelques pièces du palmarès électronique. On se rappelle qu'il y a trois nouvelles entrées. En 7e, Cars and Trains avec The Roots, The Leaves. En 5e, Blockhead avec The Music Scene. Et en 4e, Jagga Jazzist avec One Armed Bandit. Ça, ce sont les nouvelles entrées. En 3e position, c'est Sunlux avec Weapons EP. En 2e, Akido avec Playtime Reissue. Et en 1e, The Knife in collaboration with Mount Sims and Planning to Rock avec l'album Tomorrow in a Year. Dans le top 10 loud qu'on fait pas jouer parce que le jour, c'est vraiment très, très, très, très bûchant. Là, le palmarès loud, il y a pas grand-chose de, disons... qui fitterait avec le reste du décor de jour, tiens. Même s'il y a plein de gens qui aiment s'écouter du métal le jour, mais bon, peut-être pas en ce moment. Bref, une seule nouvelle entrée en 3e position, c'est Raven avec Walk Through Fire. En 2e, ça monte de 8, Armored Saint avec le Raza. Et en 1e, ça monte d'une place, Fintroll avec Niffle Vind. Dans le top 3, les disques canadiens. En 3e, c'est The Job avec The Job. En 2e, Tegan and Sarah avec Sainthood. Et en 1e, Zeus avec C'est Us. Dans le top 30 des CD, deux nouvelles entrées qui sont aussi les positions qui sont aussi de nouvelles entrées dans le top 20 anglophone. Mais bon, pour l'instant, on est dans le top 30 des CD. Hein. En 20e, Airborne avec No Guts, No Glory. En 2e, Galactic avec Yakame. En 3e place, c'est stable, Yes Ayer avec Hot Blood. En 2e, ça monte de 8, Set the Whale avec Islands Disappear. Et en 1e, c'est stable, Flight of the Conchords avec I Told You I Was Freaking. Voilà pour nos palmarès à nous. Maintenant, on saute dans le top Earshot, c'est-à-dire le palmarès des radios communautaires et universitaires du Canada que vous pouvez retrouver sur earshot-online.com. Et là, ben, j'étais là-dessus, je magasinais un peu les pièces à faire jouer, les formations qui pourraient nous intéresser. Et j'ai vu qu'il y avait deux nouvelles entrées là-dedans. Dans le top 25, deux nouvelles entrées. Mais en gros, c'est comme un top 50, donc il y en a plein des nouvelles entrées. Hein. On va entendre dans quelques minutes tout à l'heure la formation Gorillaz avec leur album Plastic Beach. Vous le savez peut-être, hein, on en parle beaucoup, assez fou. Plein de gens en font jouer, c'est nouveau, c'est vraiment excellent. C'est Gorillaz en 9e position. Mais on va commencer avec la position numéro 22. On va entendre l'album Oban de Electro Luminescent. C'est une formation canadienne qui vient de Hamilton en Ontario et on écoute leur pièce Color tout de suite dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. Le projet ontarien Electro-Luminescent avec la pièce Color. Ici, dans les palmarès, c'est fou. On a presque terminé les palmarès, c'est fou pour cette semaine. Il nous reste de la place pour une dernière pièce. Je dois vous dire que, en passant, Electro-Luminescent était en position numéro 22 du palmarès Earshot des radios universitaires et communautaires canadiennes. On va se quitter avec la position numéro 9 de ce même palmarès. C'est l'album Plastic Beach de Gorillaz. On va entendre la pièce On Melancholy Hill. Et puis après ça, on se retrouve avec Assemblage Requis. On a plein de choses prévues pour vous, Assemblage Requis. Donc, soyez là pour ça. Bye.